mes souvenirs, 3. Je me liai bientôt d'une étroite amitié avec une charmante jeune fille nommée Thécla, plus âgée que moi d'une année. Certes, rien n'était plus opposé extérieurement que notre physique. Mon amie était aussi fraîche, aussi gracieuse que je l'étais peu. On ne nous appela que les inséparables, et, en effet, nous ne nous perdions pas de vue d'un seul instant. L'été, on faisait l'étude dans le jardin. Nous y étions l'une près de l'autre, les deux mains enlacées pendant que l'autre tenait le livre. De temps à autre, le regard de notre maîtresse s'attachait sur moi au moment où je me penchais vers elle pour l'embrasser, tantôt sur le front et, le croirait-on de ma part, tantôt sur les lèvres. Cela se répétait 20 fois dans une heure. Alors on me condamnait à me placer à l'extrémité du jardin, ce que je ne faisais pas toujours de bonne grâce. À la promenade, les mêmes scènes se renouvelaient. Par une étrange fatalité, nous étions placés au dortoir, moi au numéro 2, elle au numéro 12. Mais cela ne m'embarrassait guère. Comme je ne pouvais me coucher sans l'embrasser, je manœuvrais de façon à me trouver encore debout quand tout le monde était au lit. Marchant sur la pointe du pied, j'arrivais jusqu'à elle. Mes adieux terminés, je fus surprise quelquefois par ma maîtresse, dont je n'étais séparée que par le numéro 1. Les prétextes que je donnais à mes escapades furent admis dès l'abord. Mais il n'en pouvait toujours être ainsi. L'excellente femme m'aimait réellement, je le savais, et ses façons d'agir l'affligeaient tout en la surprenant de ma part. D'un autre côté, comme nous n'étions pas des enfants, elle nous prenait par le cœur et non par des punitions. Le lendemain, donc, elle trouvait le moyen de m'appeler seule au jardin. Et là, me prenant les mains dans les siennes, comme elle eût fait d'une sœur, elle me faisait les plus touchantes exhortations pour me rappeler au sentiment d'une réserve que commandaient la morale et le respect dû à une maison religieuse. Je ne l'écoutais jamais sans pleurer, tant elle savait s'inspirer de ses accents qui n'avaient rien d'humain. J'ai assez vécu pour pouvoir dire qu'il est impossible de trouver rien de comparable à cette nature d'élite. L'homme le plus sceptique qui soit au monde, je le défie de vivre près d'une créature aussi noble, aussi pure, aussi véritablement chrétienne, sans se sentir porté à chérir une religion capable d'enfanter de pareils caractères. On me répondra qu'ils sont rares. Je le sais, malheureusement. Mais ils n'en sont que plus admirables. Et si tous n'atteignent pas une telle perfection, qui donc oserait l'exiger en eux? Sainte et noble femme, ton souvenir m'a soutenue dans les heures difficiles de ma vie. Il m'est apparu au milieu de mes égarements comme une vision céleste à qui j'ai dû la force, la consolation. Aussi humble et modeste qu'elle était vraiment grande, la sœur Marie des Anges écartait avec soin toute conversation qui put confirmer ce qu'on savait déjà de sa haute origine. Fille d'un général dont la carrière fut des plus brillantes par le poste important qu'il occupa longtemps dans la diplomatie, elle avait renoncé de bonne heure à l'avenir que lui promettaient son nom et sa fortune pour se consacrer uniquement au service des pauvres et des malades. Ses connaissances étendues et des plus rares chez une femme l'avaient fait désigner par ses supérieurs pour diriger l'école normale de D. Dire qu'elle était aimée de ses élèves serait trop peu. Toutes l'adoraient. Aussi avait-elle rarement l'occasion de nous adresser un reproche, quelque léger qu'il fût. Ses désirs étaient pour nous des ordres que nous exécutions avant même qu'ils fussent formulés. Les inspecteurs la connaissaient bien, aussi leurs visites étaient-elles rares et généralement courtes. Les études pour les élèves maîtresses étaient réglées de la sorte. Le matin, été comme hiver, le réveil sonnait à 5 heures. À 6 heures, la messe, soit à la chapelle, soit à la paroisse, qui n'était qu'à 5 minutes à peine de la communauté. À 7 heures, l'étude, jusqu'à 8, heure à laquelle sonnait le déjeuner. À 9 heures, la classe commençait. La matinée était consacrée aux exercices de français, de style, d'écriture et de géographie. À 11 heures, le dîner, puis la récréation pour les jeunes pensionnaires et externes. Le temps qu'elle durait était pour nous à peine suffisant pour achever les devoirs du matin. De 1 heure à 4 heures et demie, on s'occupait de mathématiques, de lecture et de français. Certains jours étaient réservés à la musique vocale et au dessin. À partir de 5 heures, nous étions libres, mais non pas sans travail, et je dois dire que ce n'était pas pour nous une charge. Pas une minute n'était perdue pour nous. S'il arrivait que nous fussions en avance, nous en profitions, soit pour les travaux d'aiguille, soit pour résoudre une question nouvelle et embarrassante. De là venaient nos progrès rapides. Mon aversion pour les travaux manuels allait toujours croissant. Je me demandais quelquefois ce qu'il arriverait un jour lorsqu'il me faudrait avouer ma profonde incapacité vis-à-vis de mes élèves. Pendant que mes compagnes se fortifiaient dans ce genre d'exercice, je me livrais à ma distraction favorite, la lecture. L'été, quand le temps le permettait, nous faisions après le souper une promenade au bord de la mer. Les religieuses nous accompagnaient, mais sans se mêler aucunement à nous. Une plage immense, presque toujours déserte, s'étendait le long des murs mêmes de la communauté, dont elle n'était séparée que par un rempart. La vue était délicieuse, surtout lorsque la tempête, chose fréquente dans cette partie sauvage du littoral, venait bouleverser l'élément terrible qui nous entourait. Les orages, sur ces côtes arides, avaient un caractère vraiment effrayant, dont on ne peut se faire une idée. J'ai assisté une fois à l'une de ces scènes horribles dont le souvenir ne m'a jamais laissé. Je n'ai jamais rien vu de semblable depuis ce jour. C'était vers le milieu du mois de juillet. La journée avait été accablante. Pas un souffle ne venait rafraîchir l'air qui, le soir encore, était brûlant. Comme d'habitude, nous avions été, après le souper, faire 1 heure de promenade sur le rempart. À ce moment, il se fit un changement subit d'atmosphère. De violentes rafales venant de la mer s'élevèrent tout à coup en même temps que des nuages sombres se montraient à l'horizon. Évidemment, une bourrasque allait éclater. J'avais hâte de rentrer, car depuis mon arrivée à D, l'orage me causait une frayeur que je n'avais pas encore ressentie. Thécla s'appuyait à mon bras qui tremblait déjà, malgré mes efforts pour le dissimuler. On se disposait à nous faire rentrer quand un éclair horrible vint me clouer à ma place. Le ciel s'était entrouvert, laissant tomber la foudre qui s'abattait à quelques mètres de la place où nous nous trouvions, mais sans laisser aucune trace de son passage. J'étais terrifiée. L'ouragan n'était cependant pas encore dans toute sa force. Vers minuit, il redoubla d'intensité. Les éclairs se succédaient avec une rapidité toujours croissante et rendaient parfaitement inutile la veilleuse qui brûlait au dortoir. Personne ne dormait. Les deux religieuses avaient ouvert leurs rideaux et faisaient à haute voix des prières auxquelles répondaient quelques-unes de mes compagnes. Rien n'était plus triste que le son monotone de ces voix mêlé aux éclats grossissants du tonnerre. La tête enfouie sous mes couvertures, je ne respirais plus qu'à peine. N'y pouvant plus tenir, je me dégageai un peu pour regarder autour de moi. Moins effrayée, l'élève placée à mes côtés s'était levée et s'approchait de mon lit pour me rassurer. J'avais saisi une de ses mains quand une lueur épouvantable vint embraser tout l'appartement. Le craquement qui la suivit immédiatement fut tel que je n'en ai jamais entendu de semblable. En même temps, la fenêtre, placée au-dessus de mon lit, s'ouvrit avec fracas. Éperdu, je poussai un cri de détresse qui, joint à ce qui l'avait précédé, fit croire à un malheur véritable. Avant qu'on eût pu se rendre compte de ce qui se passait, j'avais franchi, je ne sais comment, le lit qui me séparait de ma maîtresse. Mue comme par un ressort électrique, j'étais tombée, anéantie, dans les bras de sœur Marie des Anges, qui ne put se dégager de mon étreinte imprévue. Ses deux bras s'attachaient à mon cou, tandis que ma tête s'appuyait avec force contre sa poitrine, couverte seulement d'un vêtement de nuit. Le premier moment de frayeur apaisé, sœur Marie des Anges me fit remarquer doucement l'état de nudité dans lequel je me trouvais. Certes, je n'y songeais pas, mais je la compris sans l'entendre. Une sensation inouïe me dominait tout entière et m'accablait de honte. Ma situation ne peut s'exprimer. Quelques élèves entouraient le lit et regardaient cette scène, ne pouvant attribuer qu'au sentiment de la peur le tremblement nerveux qui m'agitait. Je n'osais maintenant ni me relever, ni affronter les regards fixés sur moi. Mon visage décomposé était couvert d'une pâleur livide. Mes jambes pliaient sous moi. Émue de pitié, mon excellente maîtresse me prodiguait les plus tendres encouragements. J'étais retombée sur les genoux, la tête appuyée sur le lit. Ma maîtresse essaya de la soulever d'une main, tandis que l'autre s'appuyait sur mon front. Je sentis que cette main me brûlait. Je l'écartai brusquement et l'appuyai sur mes lèvres avec un sentiment de bonheur qui m'était inconnu. En tout autre temps, elle m'eût reproché ce mouvement de familiarité qu'elle ne tolérait jamais. Elle se contenta de la retirer, m'engageant à regagner mon lit. Sous le coup d'une émotion difficile à décrire, je n'entendais plus l'orage qui grondait encore sourdement. J'étais partie sans oser jeter les yeux sur ma maîtresse. Un désordre complet régnait dans mes idées. Mon imagination était troublée sans cesse par le souvenir des sensations éveillées en moi, et j'en arrivais à me les reprocher comme un crime. Cela se comprendra. J'étais à cette époque dans la plus grande ignorance des choses de la vie. Je ne soupçonnais rien des passions qui agitent les hommes. Le milieu dans lequel j'avais vécu, la façon dont j'avais été élevée, m'avait préservé jusque-là d'une connaissance qui, sans nul doute, m'eût poussée au plus grand scandale, à des malheurs déplorables. Ce qui s'était passé ne fut pas pour moi une révélation, mais un tourment de plus dans ma vie. Il m'arriva souvent d'hésiter à m'approcher de la table sainte après des nuits troublées par d'étranges hallucinations. Pouvait-il en être autrement? À partir de ce moment, ma réserve naturelle s'augmenta de beaucoup vis-à-vis de mes compagnes. Un fait que je puis citer ici sans compromettre personne en donnera une idée. Pendant l'été, les élèves qui aimaient les bains de mer allaient, sous la conduite d'une religieuse, se livrer à cet exercice salutaire. Je refusais constamment d'y aller. On nous promettait depuis longtemps une excursion à T, partie de l'île la plus intéressante au point de vue de sa situation. Ce jour arriva enfin. Il s'agissait de faire à pied 5 kilomètres au moins et autant pour revenir. La classe normale seulement devait faire ce voyage, les autres pensionnaires étant trop jeunes. Comme il y avait à T une maison religieuse du même ordre, nous devions y coucher, ce qui ajoutait encore au charme de la promenade. Nous étions en août. Pour éviter la trop grande chaleur, nous nous mîmes en route dès 5 heures du matin. La supérieure et deux religieuses nous accompagnaient. Nous avions à traverser un pays de marais où la végétation n'est rien moins qu'abondante. partout du sable, ce qui donne à ce pays l'aspect des déserts mornes de l'Afrique. Certes, personne ne songeait à la fatigue, mais en approchant des dunes, on ne retrouve plus la terre ferme, impossible d'avancer sur ce terrain mouvant. À chaque pas, le pied enfonce au-dessus de la cheville. Force nous fut de marcher pieds nus. Une gaieté folle animait mes compagnes. Elles se communiquent, on le sait, aussi ne cherchais-je pas à m'y soustraire. Ces rires, francs et joyeux, me faisaient du bien, et pourtant j'en étais jalouse, malgré moi. De temps à autre, mon front s'inclinait sous le poids d'une tristesse que je ne pouvais vaincre. Une préoccupation constante s'était emparée de mon esprit. J'étais dévorée du terrible mal de l'inconnu. La plus aimable hospitalité nous attendait à T. Les bonnes sœurs, prévenues de notre arrivée dans leur solitude, nous reçurent à bras ouverts. Le pays tout entier fut mis à contribution et nous fit l'accueil le plus sympathique. Le lait frais, les œufs et les confitures composèrent un déjeuner auquel nous fîmes le plus grand honneur. Après le déjeuner, nous visitâmes le jardin. Au premier et unique étage de la maison se trouvait la grande classe, transformée par nous en un vaste lit de camp. La literie se composait exclusivement de matelas et de couvertures. C'était plus que suffisant pour la saison avancée où nous nous trouvions. La chaleur était excessive. J'avais, comme la plupart de mes compagnes, essayé de réparer mes forces par un sommeil de quelques heures. Je laisse à penser s'il fut bien profond, interrompu à chaque instant par les bâillements de l'une ou par les rires de l'autre. Je vois encore ce tableau. Moitié vêtues et étendues côte à côte sur nos couchettes improvisées, nous présentions un aspect qui eût pu tenter un peintre. Je ne parle pas de moi, bien entendu. Sous ce gracieux déshabillé, on distinguait çà et là des formes admirables qu'un mouvement impromptu venait de temps à autre mettre à découvert. Quand je me reporte à ce passé déjà disparu, je crois avoir rêvé. Que de souvenirs de ce genre viennent peupler mon imagination. Si j'écrivais un roman, je pourrais, en les interrogeant, fournir des pages les plus dramatiques, les plus saisissantes qu'ait jamais créées un Alexandre Dumas, un Paul Féval. Ma plume ne peut se mesurer à celle de ces géants du drame. Et ensuite, on se souviendra que j'écris mon histoire, c'est-à-dire une série d'aventures auxquelles se trouvent mêlés des noms trop honorables pour que j'ose faire connaître le rôle involontaire qu'ils y ont joué. Quelle destinée était la mienne, ô mon Dieu, et quel jugement porteront sur moi ceux qui me suivront pas à pas dans cette incroyable carrière, que pas un être vivant avant moi n'aura parcourue. Quelque rigoureux que soit l'arrêt auquel me condamnera l'avenir, je veux continuer ma pénible tâche. Dans l'après-midi de ce jour, nous visitâmes les environs de T. Rien n'en peut donner une idée. Le petit village est littéralement enfoui sous un océan de verdure perpétuelle, dont les racines profondes se multiplient depuis des siècles dans des montagnes de sable appelées dunes. Une immense forêt de pins s'étend le long de la côte et forme une digue aux envahissements de la mer et protège le pays contre des invasions de sable qui, s'élevant à des hauteurs gigantesques, offrent le coup d'œil le plus imposant. Armée d'une longue vue et placée sur un point culminant de la forêt appelé l'observatoire, on les distingue aux rayons du soleil comme autant de colosses d'argent. 4 kilomètres au moins nous séparaient de cette superbe plage appelée la Tête Sauvage. C'était pour nous la terre promise. Nous devions nous y rendre le lendemain matin. La nuit s'écoula trop lentement au gré de nos désirs. La maison religieuse de T, ne pouvant nous contenir toutes, une dizaine de nous fut envoyée chez d'obligeantes voisines, enchantées de nous offrir l'abri. J'étais de ce nombre. Des lits, d'une propreté merveilleuse, fut remise à notre disposition. L'appartement où je me trouvais en avait trois. Nous étions neuf. Heureusement, les lits étaient larges. Nous pouvions y dormir parfaitement à l'aise, quoique n'en occupant qu'un tiers. Je ne dirai pas ce que fut cette nuit pour moi. Le jour était venu, il fallait partir. Après s'être habillé à la hâte, on mangea quelques bouchées dans le lait frais. Des provisions avaient été préparées par les bonnes religieuses et furent rechargées sur des ânes mises en réquisition pour notre grand voyage. À l'entrée de la forêt, sur un monticule qui semble dominer le vaste océan, se trouve une grande croix de pierre. Bien des générations de marins, sans doute, s'étaient agenouillés sur ces degrés moussus. Plus d'une mère y avait versé des larmes au souvenir de son fils absent. Ce fut là, à la face du ciel, que nous vîmes faire la prière du matin. Sœur Marie des Anges, avec ce ton pénétré, cette grande foi qui dominait en elle, récita les prières. J'étais agenouillée en face d'elle et je ne puis dire quelle émotion me saisit lorsque je considérais cet angélique visage tout empreint d'une suavité douce qui réfléchissait la sérénité de cette âme virginale. Le bruit de la mer venait seul troubler le silence religieux. C'était quelque chose de grand, de vraiment poétique. Je pleurais pendant que mes compagnes répondaient aux paroles sacrées. Mon excellente maîtresse avait été frappée de mon air d'abattement et s'informa de ma santé avec sollicitude, craignant surtout que je ne pusse pas faire le trajet sans me fatiguer énormément. Je la rassurai de mon mieux, voulant éviter toute remarque particulière, toute question à laquelle je ne pouvais répondre. On partit. Comme la veille, il fallut, pour marcher avec quelque assurance, laisser bas et souliers, le sable devenant à chaque instant plus épais et par conséquent plus mouvant. Par moments, on s'enfonçait jusqu'aux genoux et plus d'une chute grotesque vint faire oublier la fatigue de cette marche rétrograde. La chaleur était déjà excessive. Nous doublions le pas afin de trouver plus vite le repos dont quelques-unes avaient un si grand besoin. Nous approchions. Le sable nous brûlait les pieds. La soif se faisait sentir d'autant plus vive que nous avions maintenant sous les yeux la vue des flots argentés de l'océan. Le magnifique spectacle qui s'offrait à nos regards ne peut être décrit. Il faudrait pour cela une plume plus savante que la mienne. Il était tard. Après s'être reposé un peu sur le sable, on songea à satisfaire l'appétit que venait encore aiguillonner l'air vif de la mer. Les provisions furent déposées sur la plage et chacune y fit honneur. On avait songé à tout, mais on avait oublié l'eau. Où en trouver dans ce désert de feu? Je me dévouai au salut commun. Deux de mes amis m'accompagnèrent et nous voilà à la recherche d'une source. Plus d'une heure s'écoula avant que nous l'eussions trouvée. Cette vue nous rendit folle de joie. J'écartai quelques plantes qui la dissimulaient et je me jetai à plat ventre pour apaiser l'horrible soif dont j'étais dévorée. Quand nous eûmes satisfait cet impérieux besoin, nous songeâmes à retourner. Notre retour était vivement attendu et fut salué de véritables cris de triomphe. Des mains impatientes nous arrachaient les précieux vases sans même songer à nous remercier. Une élève s'était avancée sur la plage et se plongeait les jambes dans l'eau. Ce fut une illumination soudaine. Toutes se débarrassèrent instantanément de leurs premiers vêtements et, en roulant leurs jupons autour de leur taille, se précipitèrent jusqu'à mi-corps dans cette onde bienfaisante. Nos maîtresses en firent autant de leur côté. La mer montait rapidement. Les vagues indiscrètes arrivaient souvent à une hauteur qu'on eût voulu sauver de l'immersion. C'était alors une hilarité folle. Moi seul assistais à cette baignade en spectateur. qui m'empêcha d'y prendre part. Je n'aurais pas pu le dire alors. Un sentiment de pudeur, auquel j'obéissais presque malgré moi, me contraignait à m'abstenir, comme si j'eusse craint, en me mêlant à ce divertissement, de blesser les regards de celles qui m'appelaient leur amie, leur sœur. Certes, elles étaient loin de soupçonner de quels sentiments tumultueux j'étais agitée en présence de ce laisser-aller, si naturel pourtant entre jeunes filles du même âge. Les plus âgées parmi nous pouvaient avoir 24 ans. J'en avais 19 et beaucoup d'autres n'atteignaient pas ce chiffre. Plusieurs étaient jolies sans être douées cependant d'une beauté remarquable. Vers 4 heures, la petite caravane rentrait à thé. Le dîner nous attendait. La fatigue était grande parmi nous et il nous restait à faire une longue étape avant d'avoir retrouvé notre joli cottage. La route se fit assez rapidement, grâce au désir que nous avions de réparer nos forces par une bonne nuit de sommeil. J'en avais grand besoin pour ma part, et, on le devine, les émotions qui me torturaient n'étaient pas de nature à augmenter mes forces. Bien qu'on ne me l'avouât pas, je m'apercevais que mon état causait des inquiétudes. La science ne s'expliquait pas certaines absences, et lui attribuait tout naturellement l'espèce de dépérissement qui me minait. La science, d'ailleurs, n'a pas le don des miracles, encore moins celui de prophétie. J'étais, depuis quelque temps surtout, soumise à un régime tout particulier. La pauvre sœur chargée de la pharmacie y mettait une bonne volonté à toute épreuve, qui devait être couronnée du plus complet insuccès. L'époque des vacances arriva. C'était en même temps celle des examens. J'en faisais partie cette année-là. Il y avait 2 ans que j'étais athée. C'est un moment redoutable pour de jeunes aspirantes que celui-là. Je le vis arriver avec une entière indifférence. Il s'agissait pourtant de mon avenir tout entier. Nous partîmes pour B. La supérieure nous accompagnait. Elle nous conduisit chez monsieur l'inspecteur d'académie, qui nous fit un discours de morale tout à fait à la hauteur de la situation. L'examen avait lieu dans les salles de la préfecture. Le lendemain, à 8 heures, elles étaient envahies et les épreuves écrites commencèrent. À midi seulement, on en connut le résultat. Sur 18 aspirantes au brevet, j'étais reçue première. Je me maintins jusqu'à la fin à ce rang, et je dois dire à ma louange que personne n'en fut jaloux parce qu'on s'y attendait généralement. Ma mère était dans le ravissement, mais assurément personne n'en fut plus heureux que mon vénéré bienfaiteur, monsieur de Saint-Aime. Mon succès lui était aussi sensible que s'il fût arrivé à l'un de ses enfants. Ce ne fut pas sans un serrement de cœur vraiment douloureux que je me séparai de mes intéressantes compagnes. En laissant la petite maison de D, j'avais ressenti un affreux déchirement. C'était comme un pressentiment vague, indéfini, de ce qui m'attendait dans l'avenir. Ne laissais-je pas dans ces murs la paix, ce calme inaltérable que donne une conscience tranquille ? N'allais-je pas avoir à lutter dans le monde contre des ennemis de tout genre? Et de cette lutte, comment devais-je sortir ?